Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 19h. Bonsoir, bonsoir, il est 19h et une poignée de secondes sur 106,6 sur Radio Campus, où vous écoutez Angle d'attaque, l'émission de l'Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. Eh bien justement, ce soir, on va parler d'action citoyenne. Vous avez pu constater que la programmation de Radio Campus a été bouleversée en ce mois de vacances et de congés. Attaque n'a pas échappé à la règle, puisque ce soir, nous aurons eu deux émissions en ce mois d'août. La première, le 16 août, sur les déchets nucléaires, a été menée de bout en bout en solo par Germain, à ma gauche. Son invité était Laura Hameau, qui connaît bien son sujet. Je vous invite d'ailleurs à réécouter cette émission grâce au site de Radio Campus. La deuxième émission ce soir, pour laquelle j'ai parlé d'action citoyenne, c'est l'émission qui va être consacrée à l'eau, essentiellement, mais il y aura d'autres sujets. Le thème central donc d'aujourd'hui, c'est l'eau et particulièrement le collectif eau de la métropole lilloise qui mène un combat double, à la fois pour avoir un débat public sur cette question de la production, de la gestion et la distribution de l'eau, et puis aussi, surtout peut-être, pour avoir une régie publique de l'eau dans les métropoles. Pour en parler, deux invités, Pierre-Yves Pirat. Qui est coordinateur de ce collectif. Bonsoir Pierre-Yves. Donc, Christine Poyi, qui est membre d'Attaque, Villeneuve-d'Ascq. Bonsoir Christine. Bonsoir. Ils seront questionnés par Germain, toujours à ma gauche, et René, qui, pour le coup, est à ma droite. Après ce thème sur l'eau, Christine, plutôt en solo, donc, fera un point sur quelque chose dont on commence à parler, et pour laquelle le gouvernement à l'assentiment d'ailleurs, il me semble bien, du MEDEF, s'apprête à prendre des décisions graves. Il s'agit des gaz de schiste. Il y a des manifs prévus sur ce thème. La fin de ce mois, je crois, Christine en parlera. Mais avant cela et tout de suite, on va parler, bien sûr, comme d'habitude, de l'activité d'attaque, en laissant un peu plus de place que d'habitude au comité local de Tourcoing. En la personne de son président, Didier Delinotte. Bonsoir. Et pour une question qui est urgente, puisque, oui, pas ce mois-ci, mais le mois de septembre, le mois prochain, donc, le Premier ministre devrait soumettre à l'Assemblée nationale la ratification de la France au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Traité contre lequel Attaque Roubaix-Tourcoing est particulièrement actif. Didier, c'est quoi ce traité au nom compliqué qui n'annonce rien de bon pour nos concitoyens européens? Le nom du traité, donc tu l'as dit, donc c'est très difficile à dire. Traité de stabilité, de coordination et de gouvernance européenne, donc un nom un peu pompeux et technocratique, mais enfin qui recouvre quand même des réalités qui, elles, sont quand même pas très réjouissantes, puisque ce traité, donc dans ce traité, ça compile un peu tout ce qui a été édifié par l'Union européenne depuis déjà quelques années, donc avec notamment la règle d'or budgétaire qui dispose que les pays, donc les 25 pays signataires, puisque la République tchèque et l'Angleterre n'ont pas signé le 2 mars. Donc les pays signataires devront voir à ce que leur déficit ne dépasse pas, leur déficit budgétaire ne dépasse pas les 0,5%, sauf circonstances exceptionnelles, donc une brusque hausse des matières premières ou quelque chose comme ça. Et en plus, bon, il y a quand même tout un mécanisme qui prévoit que les pays donc qui seraient en dehors des clous pourront se voir dicter par l'Union européenne des mesures drastiques pour justement retrouver la voie de l'austérité, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Oui, alors voilà, ça c'est quelque chose. Il y a deux choses nouvelles en fait dans ce que tu dis. Hein. On parlait auparavant d'un déficit de 3%. Ça passe à 0,5. C'est pas tout à fait la même chose, on va le voir peut-être. Et puis, il y a aussi un mécanisme qui se met en place, manifestement, qui est décidé par la Commission, je suppose. Le mécanisme européen de stabilité, qui est donc décidé par la Commission et qui prévoit toute une série de mesures pour justement que les pays européens harmonisent leur politique fiscale. Donc avec les 0,5%, on en a parlé. avec aussi quelque chose qui nous est resté du traité d'Amsterdam de 97, donc c'est l'interdiction d'avoir une dette publique qui dépasse les 60% du PIB. Donc tout ça, ça fait, enfin, je cite simplement l'hebdomadaire Politis de cette semaine, qui nous dit que donc les budgets ont déjà été faits de telle façon que il y aura évidemment des coupes, donc des ministères non prioritaires qui, avec diminution de 7% des dépenses de fonctionnement et intervention de l'État, et une progression des dépenses de l'assurance maladie limitée à 2,7%, et le gel des dotations de l'État aux collectivités. Donc tout ça, ça nous fait dire à Attac et dans beaucoup d'organisations de syndicats et d'associations que bon, c'est constitutionnalisé d'une certaine façon l'austérité à vie dans les peuples européens, dans les pays européens, avec aucune possibilité de politique alternative, et une condamnation du monde du travail donc à l'austérité ad vitam aeternam. C'est pour ça qu'on se mobilise. Oui, alors effectivement, il y a un mot que tu as dit sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est le problème de l'harmonisation. Il me semble, on voit pas d'harmonisation précisément telle que nous l'entendons. Il me semble effectivement que les choix qui se sont faits, et puisque justement, tu as insisté sur le mot constitutionnel. Il semble que les choix qui sont faits aujourd'hui au niveau de l'Europe et au niveau d'ailleurs de Merkel, Sarkozy et un peu Hollande, qu'à me reconnaître, c'est que chaque pays doit lui-même s'équilibrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solidarité ni de coordination, même si dans le traité, il est question de coordination. Il n'y a pas de coordination aujourd'hui. La question qui se pose, c'est effectivement comment faire pour que les pays puissent s'équilibrer, quelle convergence il peut y avoir quand on a une monnaie unique, l'Europe, avec des telles différences entre les pays. Et effectivement, et tu fais bien de le soulever, donc il y a une disparité totale des politiques fiscales à travers l'Europe. Et bon, il est bien évident que des pays comme la Grèce, l'Espagne ou l'Italie, on le voit bien maintenant, sont à la peine face à des économies comme l'Allemagne, encore que même en Allemagne ça commence à coincer, et certains les pays baltes par exemple, des pays qui ont une économie relativement prospère. Donc cette convergence n'a jamais été faite. En fait, on assiste quand même à des disparités importantes avec des politiques austéritaires. Excusez-moi du néologisme, mais bon, en Espagne, en Grèce et en Italie notamment, qui font que, bon, on le voit bien depuis des mois, au plus les mesures sont coercitives et fermes, au plus ces pays s'enfoncent complètement dans la crise. Et donc, bon, ce qui nous est proposé là, c'est pas du tout de nature à redresser la situation économique de ces pays. Donc, tant qu'il n'y aura pas effectivement d'harmonisation fiscale et d'harmonisation au niveau des économies des 25 pays, où il n'y aura pas de remontée possible pour ces pays qu'on appelle les pigs, c'est-à-dire le Portugal, l'Irlande, la Grèce. Espagne pour Espagne. Bon, déjà, le mot est quand même assez révélateur, mais bon, c'est sûr que des pays occidentaux, pour l'instant, la France a encore des notations, enfin de la part des agences de notation, réussit encore à s'en sortir, mais enfin c'est tout ça tient quand même un peu de l'artifice. Et bon, tout le monde est menacé et personne n'est à l'abri, en tout cas. Oui, en effet. Alors la France en l'occurrence paye des taux d'intérêt négatifs. En fait, elle reçoit de l'argent de banques ou de financiers qui prêtent de l'argent à la banque pour le planquer en France. C'est assez extraordinaire. Mmh. Alors que les autres pays sont toujours avec des taux d'emprunt fort importants. Alors, il y a aussi, dans tout ce que tu dis, mais j'y reviens une seconde, ce fameux 0,5%, cette règle d'or qui est un peu compliquée, parce qu'il y a 3%, il y a 0,5%, c'est lequel le bon, finalement. Tu réponds à cette question ou... Les 3%, ça datait du traité d'Amsterdam de 97, et en fait on se retrouve aux mêmes contradictions avec le pouvoir on va dire social-démocrate ou social-libéral en place, comme on voudra. Bon, Jospin avait ratifié finalement au nom de la France ce traité d'Amsterdam, et Hollande est un peu dans la même position. sauf qu'il nous dit qu'il a négocié un volet croissance. Bon, son volet croissance, c'était quand même des quelques milliards d'euros, je crois que c'est 20 milliards d'euros qui étaient déjà prévus pour alimenter, bon, qui était un fonds de réserve. Bon, en fait, il a rien négocié du tout. Je veux dire, le traité tel qu'il est s'appliquera dans toute sa rigidité. Et bon, les socialistes actuellement nous disent que l'aspect croissance est extrêmement important, que ça va infléchir les politiques, la politique de la France notamment. Mais bon, tout ça, ça reste non seulement à démontrer, mais c'est quelque chose qui est complètement faux, quoi. La croissance est absence, bon, avec toutes les réserves qu'on peut aussi placer dans le mot croissance. Mais la croissance telle qu'elle a été négociée, c'est un leurre pour faire ratifier justement ce traité, pour que les opinions soient plus ou moins d'accord. Mais bon, le fait est que les opinions commencent. Enfin, il y avait eu un sondage dans l'Humanité qui disait que 72% des gens interrogés, donc sondés, disaient qu'il fallait un référendum sur cette question, parce que ça engage des questions de souveraineté, des questions de démocratie, des questions budgétaires et de fiscalité. Et quand même, 72%, c'est pas rien. Et maintenant, donc, la mobilisation s'accélère. Enfin, il y a la création de certains collectifs. Bon, nous, sur Robé Tourcoing, on passe de créer un collectif. Bon, les échéances sont quand même serrées, hein. On a en gros un bon mois, puisque c'est maintenant pour début octobre que les affaires vont passer à l'Assemblée nationale, puisque le Conseil constitutionnel a doctement jugé qu'il ne fallait pas de révision des deux assemblées et qu'en plus il ne fallait pas, surtout pas de référendum. Donc maintenant on est dans une phase où il faut faire de l'information là-dessus. Et bon, il est question d'une grande manifestation nationale aussi qui aurait lieu fin septembre. Enfin, il y a des choses qui bougent. Attac est à l'initiative, bien sûr, à travers sa direction. Mais il y a aussi les collectifs qui bougent, et aussi le Front de Gauche notamment qui se lance dans une bataille pour exiger un référendum, sans compter que la majorité est un peu fissurée là-dessus, parce qu'il y a quand même une bonne partie des Verts, sinon la majorité, qui se prononce ouvertement pour un référendum. Et la gauche du Parti Socialiste, enfin, qui représente quand même près de 20% du parti, bon, même si les positions de ministres comme Hamon sont pas claires, mais enfin, il y a quand même une bonne partie du PS qui également se dit qu'un référendum est nécessaire. Oui. Alors, tu nous as parlé du collectif. Comment il se constitue? Où on en est aujourd'hui? Le collectif, c'était donc une initiative estivale. On n'est pas resté c'est pas mal. Totalement inerte. Donc, on a évidemment, on a quand même l'expérience historique à Roubaix, mais enfin, ça, c'est pas spécifique à Roubaix, à Villeneuve-d'Ascq également, du collectif unitaire antilibéral, et des luttes qui avaient été menées, notamment sur le TCE en 2005, également sur les retraites, sur la poste. Donc, on s'est dit qu'Attac était quand même, de par sa nature, on n'est pas dans une compétition électorale, on était là pour fédérer les différentes forces qui pouvaient se joindre à nous. Donc on a été à l'initiative d'une invitation, donc on comptait se faire ça fin août, mais vu les vacances, ça n'a pas été possible. Donc c'est maintenant le 6 septembre, donc le jeudi 6 septembre à la FAL, la Fédération des associations laïques à Roubaix, 20 rue de Lille, à 19h, que donc des gens de différents partis politiques, syndicats et associations se retrouveront. Pour l'instant, les réponses aux sollicitations ont surtout été faites par le Front de Gauche, mais enfin, on ne désespère pas de réunir plus large. D'accord. Antoine a noté scrupuleusement tout ce que tu viens de dire. Il en reparlera à la fin de l'émission, comme d'habitude. Merci pour cet éclairage, Didier. Merci. On va faire une pause musicale. Tous appris en signant la pétition. Si j'avais su, j'y serais allé. Qu'en allant demander des explications au siège de la CFDT. Des chômeurs, des précaires, des intermittents se sont fait virer du siège national. Et comme réponse, c'est le plus navrant. Un rendez-vous au tribunal. Si j'avais su, j'y serais allé. avec tes potes on serait marrés. Au lieu de rester assis sur mes fesses et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée si j'avais su j'y serais allé. Au beau milieu de la Star Academy, c'est l'invasion sur le plateau. Mais bon, très vite, TF1 a choisi une rediff de Julie Lescaut. Ils m'ont raconté comment ils ont occupé les bâtiments du ministère. S'ils sont installés et pour commencer, on libérait le secrétaire. Si j'avais su, j'y serais allé. Avec les potes, on serait marié. Au lieu de rester assis sur mes fesses et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée. Si j'avais su, j'y serais allé. Foutu un vrai boxon. Au petit matin, avec leurs petites mains, ils ont fauché un champ de maïs. Ils ont pas traîné car déjà pointé au loin un escadron d'agents de police. Si j'avais su, j'y serais allé. Avec les potes, on serait marré. Au lieu de rester assis sur mes fesses et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée. Si j'avais su, j'y serais allé. Dans ce monde où la loi c'est le marché, les paysans et les pêcheurs sont sacrifiés mais pas résignés face à l'Europe des voleurs. Contre les prix, ils montent à l'infini, ils ont agi en Picardie. Au départ des vacances, ils ont choisi une action de péage gratuit. Si j'avais su, j'y serais allé. Avec des potes, on serait marié. Petit à petit, les hôpitaux sont fermés, mais à Carré dans le Finistère, ils sont allés voir le préfet d'un peu plus près. Et l'hôpital a réouvert. La liste est longue et on va s'arrêter, mais vous avez compris l'idée. Ce n'est pas en restant les bras croisés qu'on changera de société. Maintenant je sais, je vais y aller, soutenir et accompagner. Dans les écoles, les facs et les lycées, dans les squats, avec les expulsés, dans les boîtes, pour être mieux payés, dans les restos, avec les sans-papiers, au guichet, avec les postiers. Y'a que comme ça qu'on peut gagner. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut gagner. Je crois que ce n'est pas en restant chez soi. Il va falloir se mobiliser. Et sur l'eau en particulier, voilà, on va parler de l'eau. C'est le thème principal, je l'ai annoncé tout à l'heure. Pourquoi ce thème aujourd'hui ? Eh bien, pour des raisons générales. Cette année 2012 est une année de renégociation d'un certain nombre de contrats locaux qui concernent l'eau, celle qui coule à notre robinet. Mais pas seulement, on va le voir dans le thème. Pourquoi nous intéressons-nous à cette question maintenant et ici ? Eh bien, parce qu'en ces temps de néolibéralisme aussi débridé qu'obtu, il y a un projet au niveau mondial de marchandisation de l'eau et de ce bien vital qu'est l'eau. Et puis, nos entreprises sont sans concurrence, nous disait ce matin Madame Parisot. Nous avons, avec Veolia et Suez, on a des leaders mondiaux dans l'eau. Et justement, ces deux leaders mondiaux sont sévissent, si je peux le dire comme ça, au niveau de notre département, de notre région, à Lens-Liévin pour Veolia et à Suez pour la métropole. Et il s'est constitué, je l'ai dit tout à l'heure, un collectif de l'eau. René, tu vas poser un certain nombre de questions à nos invités. D'accord. Donc, voilà. Voilà ma première question. Qu'est-ce qui a amené à la création de ce collectif ? Donc, il faut savoir... Pierre-Yves Pira. Ouais, je t'entends pas. Donc, il faut... Prends le micro vert, parce que j'ai eu un truc. Le micro vert. Changement de micro. C'est encore Pierre-Yves qui a changé de micro. C'est le micro vert. Hein. Ça se voit pas. Donc, il faut savoir que 2014... 2014 est une année importante puisque il y aura le renouvellement des délégations de services publics un peu partout en France. Hein. Je crois qu'il y a 60% des contrats qui vont être renouvelés à cette occasion-là. Et il me semble, enfin, il nous semble à nous, membres du collectif, que ça devrait être l'occasion d'un vrai débat autour d'un retour possible en régie publique. Est-ce qu'on est obligé de renouveler la délégation de services publics à l'une des grandes entreprises multinationales qu'on vient de citer, c'est-à-dire Veolia, Suez, il y en a d'autres aussi, hein, il y a l'Assor. Enfin, ou est-ce qu'on peut envisager les choses autrement? Nous, on a des arguments pour aller dans un autre sens. Et donc, on s'est dit qu'il fallait monter un collectif pour pousser à réfléchir autour de cette question-là. Et donc, sur la communauté urbaine, on sait qu'il y a un débat qui va se mettre en place normalement à l'automne 2012. C'est-à-dire bientôt là. C'est-à-dire bientôt. Et que dans ce débat, ben, peut-être qu'on y a notre place et peut-être que ça serait bien que la CUDL aille plus vers les citoyens, que ce soit un réel débat avec les citoyens, parce que le choix à faire est un choix d'importance qui touche le quotidien de tous. Et donc, ça serait bien que... on passe à, comment dire ça, qu'on essaye de permettre à la population de s'approprier cette question de l'eau, puis de faire les choix en conséquence. Oui, donc ça serait un peu comme un référendum. Si on pouvait arriver à ça, ça serait super. Alors, c'est ce qui est important aussi de savoir, c'est que quand il y a un retour en régie publique, quand on est dans le cadre d'une délégation auparavant, il faut prévoir 2 ans. Pour une fois que la décision politique soit prise, pour que le travail technique d'accompagnement, la mise en place de ceux qui vont faire la nouvelle maîtrise autour de la question de l'eau puisse se faire. Et donc à Paris, quand il y a eu le retour en régie publique, la volonté politique s'était déterminée 2 ans avant. Donc ici, le débat en 2012, pour 2014, c'est important. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons aussi plus spécifiques à l'agglomération lilloise qui ont poussé justement la communauté urbaine à se poser la question, est-ce qu'on garde notre délégataire ou est-ce qu'on revient en régie publique ou... Il y a toujours une histoire de sous. Oui. c'est toujours un gros problème. D'ailleurs, c'est toujours le problème qu'on va avoir dès lors qu'on va avoir une délégation de service public avec Veolia ou Suez. C'est un peu bizarre, mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours des problèmes de sous. Et là, ici, il y a une association au secours qui est membre de notre collectif, hein, qui s'est saisie d'une question il y a quelques années, sur le fait de... Il y a eu des travaux, des prélèvements pour des travaux qui ont été faits, mais les travaux n'ont jamais été effectués. Oui, donc il y a une somme qui se chiffre... Approvisionnée pour des travaux, c'est ça? Oui, oui. Qui n'ont pas été faits. En millions. Hein, quand même. Et qui ont été reportés, bien sûr, sur les factures des usagers. On a payé les travaux n'ont pas été faits. Et donc, en fait, il y a une plainte au pénal qui est en train de suivre son cours. Hein, actuellement, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'arrêté. Disons qu'il y a une commission de médiation entre les eaux du Nord et LMCU. Et cette commission de médiation s'est mise d'accord sur un chiffre de 115 millions d'euros. Alors là, le détournement dont on parle, c'est pas un détournement qu'on invente. C'est la Chambre régionale des comptes qui le pointe dans dans son rapport. C'est-à-dire que on n'invente rien. On pourrait dire, effectivement, on détourne de l'argent un peu comme ça, mais non, c'est une réalité. Et que disent Veolia ou Suez sur ces 115 millions? Ils ne contestent pas le chiffre? Ah bah bien sûr que si. D'ailleurs, Au Secours, lui, parle d'une somme plus importante, parce que bon, il y a des intérêts, il y a des choses comme ça. Bon, ils arrivent à 192 millions d'euros. Donc on est quand même sur un registre qui est assez important. Hein. Et quand on sait que c'est très, très important d'entretenir un réseau d'eau pour éviter de gaspiller l'eau, eh ben, on ne comprend pas pourquoi la justice n'est pas allée plus rapidement. On ne comprend pas pourquoi ça continue de traîner. On ne comprend pas pourquoi il y a une commission de médiation qui viserait un petit peu à la fois à amoindrir cette dette. Donc là, il y a une véritable histoire avec Au Secours. Et ben, il faut suivre cette actualité, quoi. Oui, et globalement, on peut dire que les retours en régie publique amènent donc généralement une baisse des tarifs. Et c'est donc que les sociétés privées, les multinationales, ont certaines pratiques qui poussent en fait à l'augmentation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leurs pratiques? Comment oui, je vais répondre, mais je vais aussi laisser la parole aussi à Christine, hein, qui est à côté de moi. Je voudrais pas monopoliser la parole. On vient de dire que on avait deux géants français, international. Bah oui, on peut s'interroger. Pourquoi il y a deux géants français, justement, qui ont pu se développer sur un bien vital qui est l'eau? Comment ça se fait? Ailleurs, ça ne s'est pas fait. Mm-hmm. Comment ça se fait qu'en France, très vite, on a considéré que l'eau pouvait être une marchandise? Et c'est d'ailleurs une particularité française, puisque dans la plupart des autres pays, même des pays dits libéraux comme les États-Unis, la distribution d'eau est encore largement publique. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, quand en France, on revient en régie publique, en général, le prix de l'eau baisse de 20 à 40%. Ça, c'est intéressant. Là. Il explique un peu. Oui, ça intéresse tout le monde. Qui ne serait pas intéressé par... Alors, on nous dit, en fait, l'eau elle est gratuite. Hein. Ce qui a un coût, c'est la dépollution, c'est le réseau, c'est tout ça. Enfin, effectivement, hein, pourquoi pas? Mais on ne comprend pas pourquoi ça coûte plus cher quand c'est privé que quand c'est public. Il y a une vraie question derrière. Oui. Et donc on peut même s'interroger sur certaines pratiques. On sait par exemple, alors je conseille aux auditeurs de regarder un film qui s'appelle Water Makes Money. Mm-hmm. Et on en a souvent parlé ici, oui. Oui, oui. Qui est vraiment très bien fait. L'eau fait de l'argent. Oui, là. Et donc en fait, qui dénonce un certain nombre de pratiques qui sont mafieuses. Hein, on peut le dire. Alors, j'en ai une qui vient à l'esprit, une toute bête. On fait payer aux gens les compteurs, hein, dans un forfait. Et donc, ce compteur doit être renouvelé tous les autant de temps. Et après, une association s'est un peu inquiétée de tout ça et s'est rendu compte que, en réalité, les compteurs, on les faisait durer deux fois le temps facturé. C'est-à-dire qu'on avait créé artificiellement une richesse qui a profité pleinement à l'entreprise multinationale. Et ça, c'est un petit exemple, mais il y a d'autres choses comme ça. L'exemple aussi de quand la société privée produit et distribue l'eau, le fait qu'elle elle n'entretient pas les réseaux, donc il y a des fuites, mais malgré tout, elle facture aux clients la totalité de l'eau potable pompée, produite. Ah, on paye l'eau qui part dans, donc, bien sûr, le dans client la nature, hein. Perd l'eau perdue. Alors le taux de fuite, alors j'ai pas le rapport 2012, enfin si je l'ai là, et j'ai pas encore eu le temps de voir, je l'ai là sous les yeux, on me l'a donné récemment, mais le taux de fuite jusqu'à présent était de 20%, plus de 21, 22, enfin... Ici, l'agglomération sur lilloise. Alors, taux de fuite, explique très énorme. Précisément. Ça veut dire que par exemple sur 100 litres transportés, on en perd plus de 20 litres. D'accord, qu'on paye bien sûr. Ben, c'est quand même, oui. C'est un peu interpellant quelque part. On sait qu'il y a d'autres villes. Par exemple, à Paris, le taux de fuite, il est en dessous de 5%. Oui. Donc, il y a des réseaux qui sont plus solides que d'autres. Et donc, là aussi, il y a des questions. Il y a des questions de fond à avoir. Pourquoi notre réseau n'est-il pas aussi solide que celui de Paris ? Alors, on nous dit souvent qu'il y a des raisons historiques, il y a des conduits qui ont été construits de façon solide, enfin, à une certaine époque, etc. Ah oui, ben pourquoi on fait pas, pourquoi il n'y a pas la même chose ici ? Pourquoi nos conduits, on les construit de façon moins solide ? Mm-hmm. Donc il y a aussi une vraie question derrière. Alors, peut-être aussi. Alors, ça nous amène un peu à notre réflexion sur. Nous, on veut une régie publique. Une régie publique, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet simplement qu'on investisse sur le long terme. Voilà, déjà. Oui. Et donc, ben effectivement, on fait des travaux qui durent, des conduits qui durent. Tandis que quand on n'est pas en régie, quand on est dans une délégation, ce qui intéresse, c'est faire du profit rapidement. Voilà, exactement. Donc une logique de court terme d'une part, alors qu'en régie publique, en plus de la baisse des tarifs qu'on peut provoquer, on a... Au départ, une logique de long terme, de gestion de la ressource. Est-ce que l'un d'entre vous peut, Christine peut parler plus précisément de cette gestion de la ressource ? Mais, d'une part, l'entreprise privée n'a aucun intérêt à gérer à tenir compte de la gestion des ressources. Elle vend de l'eau. Voilà. Qu'il y ait des fuites sur les canalisations, ça ne l'intéresse absolument pas. Bien au contraire, elle nous vend de l'eau. De la même façon, il n'y a jamais de politique d'incitation à l'économie d'eau. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt des multinationales qui vendent de l'eau. Et de la même façon aussi, elle n'a pas intérêt à avoir une politique de protection de la ressource d'un point de vue pollution, par exemple, puisqu'elle nous vend la dépollution de l'eau. Ce qui est inquiétant, quelque part. Elle nous vend la dépollution de l'eau. Donc, tout ce qui est politique de gestion des champs captants, des zones humides... Tout à fait, oui. Si c'était en régie publique, avec une vision à très long terme, on aurait des moyens d'action qui seraient complètement différents de ce que fait une multinationale avec un contrat à durée déterminée. Justement, puisque tu parles des champs captants, je crois qu'au niveau du collectif, il y avait un projet justement d'installer sur ces champs captants qui sont, pour rappel, de vastes nappes phréatiques, donc une ressource importante pour la métropole lilloise. Il y avait un projet d'installer, par exemple, des agriculteurs bio, je crois. C'est une revendication. Est-ce que c'est oui, un projet ? Oui, ça serait bien. Ça serait bien si on en arrivait à. Disons que ça serait une idée à défendre. Voilà. Nous, on veut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que la qualité de l'eau, quand on se pose pas de questions et qu'on veut fournir de l'eau comme ça, on rajoute du chlore. Oui, c'est souvent ou de l'aluminium aussi, j'ai lu. Voilà, on rajoute. Ce qui fait qu'il y a une qualité de l'eau. Qui est constante, qui est assurée, enfin, comme ça. Et en général, les grands distributeurs, comme Veolia et Suez, c'est ce qu'ils font. Oui. Alors qu'on a d'autres exemples, par exemple à Grenoble, ou en Allemagne, ou, etc., où il y a un travail, comme le disait Christine tout à l'heure, sur la préservation de la ressource, où on mesure la qualité de l'eau, du début jusqu'à la fin, régulièrement. On essaye justement de ne pas rajouter d'additifs, etc. Et il y a un contrat qui est fait avec des paysans pour faire en sorte que leur agriculture soit une agriculture respectueuse donc de la ressource, une agriculture biologique. Et pourquoi pas ici ? Pourquoi pas ici ? Effectivement. Je peux jeter un pavé dans l'eau, là, dans la mare. Bon, quand même, ces entreprises ont une grande pratique professionnelle. Et passer en régie, c'est un problème, non ? Ou c'est pas un problème ? C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire qui est là. Et est-ce que... on sait que, par exemple, à Paris, il a fallu 2 ans... pour que tous les dossiers, pour que tous les documents, pour que... Enfin, tout ce que nous, on avait payé dans notre, enfin les gens de Paris ont payé dans leur facture, soit donné. Et encore, je ne suis pas sûr qu'ils ont pu avoir la restitution de l'ensemble des données. C'est-à-dire qu'il y a une appropriation par l'entreprise multinationale de ce savoir-faire. Et tout est à reconstruire. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Hein. Mais pourquoi ne saurait-on pas le faire ? Je suis d'accord. D'autant qu'il faut quand même moduler un petit peu, puisque les employés des entreprises, des multinationales, viendront en partie travailler dans la régie publique. Donc c'est un savoir-faire qui n'est qu'à moitié perdu, dirons-nous. Oui, oui. Enfin, il y a moyen de travailler autour voilà. de ça. Mais effectivement, il y a eu des retours en régie publique, ça se fait ailleurs. Ben, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas le faire ici. Donc après, on a effectivement cette lutte sur les fuites un peu partout, oui. Qui est vraiment très importante, puisque on va lutter contre le gaspillage. Bon, en soi, c'est bête à dire, mais c'est très important, parce qu'actuellement, il est question de faire venir de l'eau d'ailleurs. Pour la communauté urbaine de Lille, il y a des grands projets qui sont en train de se mettre en place. Donc il y a une autoroute de l'eau qui amènerait de l'eau de la Vénois. Il y avait aussi un projet qui amènerait de l'eau du canal Seine-Nord. Oui, du futur canal. Et qui permettrait de compléter l'alimentation en eau de la métropole lilloise, puisqu'on serait en flux tendu, c'est-à-dire que... Dans les périodes de sécheresse, ça serait tout juste si on pourrait alimenter, oui. etc. Alors qu'une meilleure gestion de la ressource et une lutte contre le gaspillage permettrait d'éviter de devoir réaliser ces grands travaux d'approvisionnement supplémentaires. Bien entendu, bien entendu. C'est des grands travaux qui coûtent très cher. Hein. L'autoroute de l'eau qui amène l'eau de la Vénois jusqu'aux portes de Valenciennois, c'est 50 millions d'euros. Donc en fait, on est... Il y a des choix aussi qui intéressent tout le monde. On pourrait interroger les gens là-dessus, sur ces enjeux-là. Oui. Et nous, on regrette que ça ne se fasse pas. Et justement, la communauté urbaine de Lille a promis l'organisation donc, d'un débat public à l'automne 2012, comme tu le disais. Je crois que Alain Cacheux a proposé au collectif de participer aux ateliers de préparation. Où en est-on actuellement ? Oui, Germain pose la question. Qui est Alain Cacheux ? Alain Cacheux donc, est donc le responsable au niveau de la communauté urbaine de l'eau, je crois. Oui, c'est le vice-président chargé de l'eau. Le vice-président. Hein. Et donc, oui, ben on nous invite à y participer comme une association, parce qu'en fait, il y aura un débat public et ce débat, en fait, va être destiné... Enfin, ce sont les élus à la communauté urbaine qui vont être interrogés, qui vont réfléchir, etc. On va convier les associations, certaines associations, puisqu'elles sont des relais d'opinion, etc. Donc il y a, comment on va dire, un peu un semblant de démocratie, quelque part, puisqu'on va réfléchir à ces questions-là. Mais nous, on pense que ça ne va pas assez loin. Parce qu'un débat public, ce n'est pas un débat avec le public. Ce n'est pas un débat avec les citoyens. Et nous, on pense que chaque citoyen qui paye sa facture chaque jour sur la métropole a le droit de pouvoir se prononcer et a le droit de pouvoir réfléchir sur la question. Est-ce qu'il faut amener de l'eau d'ailleurs ou est-ce qu'il faut travailler sur les fuites d'eau, etc. etc. Enfin, donc il y a des tas de réflexions à avoir. Même les conseillers municipaux dans les municipalités ne sont pas tous interpellés. On ne va pas réfléchir dans les conseils municipaux. C'est simplement que les délégués à LMCU qui vont travailler sur cette question-là. Oui. Il y a eu un grand débat sur les transports il y a 2 ans ou 3 ans. Quel citoyen qui a été interpellé ? Il y a une vraie question aussi au niveau de la démocratie là-dessus. Et justement, nous savons que le collectif mène des actions et notamment une pétition, à la fois sur papier et en ligne. Est-ce que vous serez présent à la braderie les 1er et 2 septembre ? Oui, oui, bien sûr. Mais je laisse Christine répondre. Oui, bien sûr. Le collectif aura un stand à la braderie les 1er et 2 septembre. Et on en profitera donc pour faire signer les pétitions, mais que vous pouvez toutefois signer en ligne toute l'année. Sur le site, non, vous l'avez ? Sur le site. Sur le site. Alors, HTTP. http://collectif59o.blogspot.com. Et cette pétition parle de deux choses, c'est-à-dire d'un côté le retour en régie publique, mais aussi les premiers mètres cubes gratuits pour répondre aux besoins, aux besoins vitaux. Hein. Voilà. Oui, il y a vraiment là un travail citoyen que mène le collectif. Et avancer que les premiers mètres cubes peuvent être gratuits, c'est aussi dire qu'il y a des gens qui sont plutôt démunis et qui ont le droit à l'eau aussi. Et c'est souligner le fait que l'eau étant un besoin vital, chacun a droit à un minimum pour survivre. L'eau a été définie comme un bien commun, c'est-à-dire un bien indispensable à la vie et pas substituable. Voilà. Il est donc très très important que chacun puisse y avoir accès. Et un tarif social ne nous intéresse absolument pas. On n'est pas dans l'ordre de la charité, on est dans l'ordre du droit. C'est un droit fondamental. Ça, c'est la première chose. Pour la tarification, nous, on préférerait une tarification progressive, c'est-à-dire qu'il soit de plus en plus cher à mesure que le volume consommé augmente, oui, de telle sorte... Au fur et à mesure qu'on entre dans le mésusage, le mauvais usage de... Exactement. Taxer le mésusage pour protéger la ressource. Exactement. Entendu, on va s'arrêter là pour le thème. On vous attend donc à la braderie, devant le café citoyen, et on ne sera pas obligé de boire de l'eau d'ailleurs. Et on vous remercie de votre intervention. Cette pétition, vous pouvez, tout le monde peut la prendre sur le site, la relayer, et nous on collecte. Hein. C'est très important de le faire. D'accord. L'ange mène sa paire, voyageuse entre ciel et terre, l'ange mène sa paire. L'eau que j'ai dans mon verre, c'était l'eau de mon grand-père, l'eau que j'ai dans mon verre. L'ange mène sa paire, l'eau que j'ai dans mon verre. L'ange mène sa paire. C'est l'eau d'hier, l'eau de toute oui, la terre. Donc, troisième partie, c'est Christine qui va s'y mettre là maintenant et nous parler des gaz de schiste. Eh bien, justement, c'est d'actualité, ces gaz de schiste, pas plus tard qu'hier soir sur France 2. Il était question des décisions du gouvernement sur les gaz de schiste. Il était question aussi par le MEDEF du terreau de l'innovation que constituent les gaz de schiste avec les nucléaires, s'il vous plaît. Et puis oui, en plus, il y avait une manifestation dans un village français dont j'ai oublié le nom. Bref, il y a de la mobilisation de droite et de gauche, si j'ose dire, sur cette question. Alors d'abord, première question, Christine, c'est quoi les gaz de schiste ? Les gaz de schiste, ce sont des hydrocarbures. Ils ont ceci de particulier qu'ils sont disséminés dans la roche et que donc ils demandent une technique d'extraction un petit peu particulière. Et c'est la technique qui est contestée, puisque c'est l'hydrofracturation. L'hydrofracturation. Alors, mais on en parlera tout à l'heure. D'accord. On développera un petit peu tout à l'heure. Alors, quand tu me parles du MEDEF, de toute façon, dès le début du mois de juin, les associations environnementales étaient un petit peu sur leur garde quand elles ont vu la démission du gouvernement face au lobby pétrolier avec l'affaire Nicole Bric. Puisque Nicole Bric, elle a voulu juste suspendre un permis, le permis Shell, attribué au large de la Guyane, en attendant la réforme du code minier. Le résultat immédiat a été une intervention gouvernementale, un arbitrage, comme ils nous ont dit, et l'éviction de Nicole Bric du ministère de l'écologie. C'était donc un signal fort à la fois pour les pétroliers et pour les associations qui s'opposent à l'extraction du gaz de schiste. Pourtant, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, puisqu'aux États-Unis, déjà depuis 10 ans, ils exploitent les gaz de schiste. Et on voit déjà depuis 10 ans les dégâts sur l'environnement et sur la santé. Donc on ne peut pas dire « on ne sait pas, on ne savait pas ». Non, on est sûr que c'est une industrie très polluante. Notamment, il faut savoir qu'aux États-Unis, depuis 10 ans, on a dû forer 500 000 puits, donc c'est quelque chose d'énorme, et que les risques, bon, c'est bien sûr la pollution des nappes phréatiques, donc c'est encore, on rejoint un peu le problème de l'eau. D'une part, c'est aussi les risques, notamment dans les régions sismiques, le risque de micro-séisme, d'affaissement de terrain, et sans doute aussi d'autres problèmes environnementaux que tu vas peut-être nous souligner. Alors justement, puisqu'on parle de l'eau, il faut savoir qu'il faut à peu près 20 000 mètres cubes pour fracturer un puits. Oui, déjà, c'est une forte consommation d'eau. Très forte consommation d'eau. Et quand on multiplie par le nombre de puits, on a une idée de la quantité de l'eau qui peut être gaspillée au travers de l'extraction des gaz de schiste. Ça, c'est une chose. Mais non seulement on consomme de l'eau, mais on la pollue très fortement, parce qu'à cette eau, on ajoute à peu près quelques tonnes, quelques cent tonnes d'un cocktail de produits chimiques qui ne sont pas anodins, pas très sympathiques, dirons-nous. Hein. Il y a acides, des hydrocarbures benzéniques, je crois. Tout à fait. Il y a des acides, des hydrocarbures benzéniques. En partie, ce sont ces deux types de produits qui sont utilisés. D'ailleurs, le rapport, il y a un toxicologue du CNRS qui s'est penché là-dessus, André Picot, et il a sorti un rapport d'une centaine de pages qui conclut franchement à des produits très cancérigènes et très dangereux pour l'environnement. Donc quand on a fait ce cocktail de produits chimiques, on l'injecte dans le puits sous pression pour fracturer. Mais ensuite, la moitié de ce cocktail seulement sera récupéré. Alors, quand je dis seulement, il sera récupéré, mais il va être stocké dans des bassins de rétention complètement à l'air libre. D'ailleurs, ça se voit bien sur toutes les photos, ça se voit bien dans Gazland, le film qui a été tourné aux États-Unis. Les bassins de stockage de ce cocktail d'hydrofracturation sont complètement laissés à l'air libre, d'où une forte pollution de l'atmosphère, évidemment. Et l'autre moitié va être laissée sous terre, puisqu'on ne peut pas le récupérer. C'est trop éparpillé, dirons-nous. On ne peut pas récupérer. Et on ne sait pas non plus à long terme ce que ce, quel effet aura ce cocktail de produits, quelle sera la réaction entre les produits et la réaction des produits avec la roche. On ne sait pas très bien. Et ça, ce n'est qu'une partie de la pollution, puisque à ça, il faut ajouter les fuites de méthane. On voit aux États-Unis que tous les puits, sans exception, fuient. Les scientifiques estiment à peu près à 8% les fuites de méthane par rapport à la quantité totale de méthane qui est extraite. C'est ce qui est vraiment énorme. Énorme pour deux raisons. La première, c'est que on fissure, mais il y a aussi des fissures naturelles dans la roche par lesquelles remonte le méthane, qui parfois traverse les nappes phréatiques. D'ailleurs, on le voit bien aussi dans Gazland, lorsque la dame ouvre le robinet et allume le filet d'eau qui en sort. Ça, c'est du méthane. L'eau s'enflamme. Voilà, l'eau qui s'enflamme, en fait, c'est le méthane qui a traversé la nappe phréatique et a saturé l'eau de la nappe phréatique. Donc, c'est un petit peu catastrophique. Et catastrophique à un autre titre, puisque le méthane s'échappe, mais il s'échappe et il va finir dans l'atmosphère, ce méthane. Or, on sait que le méthane est à peu près 20 fois plus actif sur le plan de l'effet de serre que le dioxyde de carbone. Voilà. Donc, on accentue l'effet de serre et on ne le minimise pas comme l'estiment certains pétroliers. Alors, il y a quand même une question, là aussi, pavée dans le gaz de schiste. À quoi ça va servir, ce gaz ? Quel intérêt il y a à exploiter le gaz de schiste aujourd'hui ? Aucun. Ah bon ? Franchement, aucun. C'est pas ce qu'on disait au MEDEF. Oui, bien sûr. Alors, du point de vue des lobbies pétroliers, certes, je vois l'intérêt. Du point de vue de la société civile, je n'en vois aucun, étant donné que les scientifiques nous disent depuis déjà assez longtemps que si on brûlait seulement 20% de nos réserves naturelles connues, d'hydrocarbures, d'ici 2050, alors on atteindrait déjà les 2 degrés de réchauffement climatique qu'on estime ne pas devoir dépasser pour que le dérèglement climatique reste maîtrisable. Où est donc l'intérêt d'aller polluer autant notre environnement, puisqu'on a déjà trop de pétrole? Même si le pic de pétrole est dépassé, c'est pas qu'on en a pas assez, c'est qu'on a déjà trop. Il y a donc vraiment aucun intérêt à continuer à chercher. Tout à fait. En fait, ils veulent... ils cherchent à continuer le mode de vie actuel par de nouvelles sources d'hydrocarbures. Il y a justement quelque chose qui me pose question à ce sujet. En avril 2011, un rapport de la Chambre des représentants aux États-Unis a conclu que le cocktail chimique là, de 500 produits que l'on mélange à la solution pour la fracturation n'était pas nécessaire. Alors, je ne comprends pas bien comment des gens qu'on pourrait supposer compétents, c'est-à-dire les pétroliers, justement, compétents dans leur domaine, ont pu utiliser un cocktail de produits inutiles et en plus coûteux pour eux. Et en plus de ça, bien sûr, néfaste pour l'environnement. Coûteux pour eux, peut-être, mais ça simplifie la technique d'extraction. Donc, coûteux pour eux... Parce qu'il fallait quand même les acheter, ces produits. Bien sûr, tout à fait. Et on nous dit maintenant qu'ils ne sont pas nécessaires, enfin, du moins d'après le rapport demandé par la Chambre des représentants. Bien sûr, coûteux pour eux, mais certainement, ils ont dû faire le calcul et s'apercevoir que c'était plus rentable comme ça. Oui. On peut aussi se demander pourquoi l'administration américaine n'est pas intervenue plus tôt. Oui, on aurait pu se demander ça aussi. Alors, un mot sur le gouvernement français, alors sa position, rapidement. De ce que je vois autour de moi, sa position, c'est préparer l'opinion publique, puisque les permis n'ont toujours pas été abrogés. Les permis d'exploration n'ont toujours pas été abrogés, et qu'ils contiennent en eux-mêmes la technique de la fracturation. Une partie de l'opinion publique se réunit le 22 septembre, c'est ça ? Tout à fait. Alors, on organise donc une grande manifestation le 22 septembre, dont vous parlera Antoine tout à l'heure. Mais moi, ma conclusion serait qu'il faut vraiment sortir de l'ébriété énergétique pour rentrer dans une société de sobriété réellement. Et de faire plus largement appel aux énergies renouvelables et respectueuses de l'environnement. Tout à fait. Ok, merci Christine, merci René. On va passer au rendez-vous d'Antoine. Tu es prêt, Antoine ? Tout à fait. Allez, vas-y. Comme Christine l'a annoncé, le collectif Eau aura un stand le week-end prochain au sein du village associatif, devant le café citoyen, place du Vieux Marché au Choix à Lille, station métro République. Attaque Lille s'y associera donc dans le cadre de la braderie de Lille les samedis 1er et dimanche 2 septembre prochains. Notre comité lillois reviendra sur cette participation lors de notre réunion militante à la Mresse rue Gosselier à Lille le lundi 3 septembre suivant à 19h30. Quant au collectif Eau, celui-ci se réunira dans cette même maison le mercredi 12 septembre à 18h30. Entre-temps, Didier d'Attaque Roubaix Tourcoing nous invite à nous mobiliser contre le traité de stabilité de coordination de gouvernance européenne. Ce sera à la Fédération des associations laïques, la FAL, 20 rue de Lille à Roubaix le 6 septembre à 19h. Puis les indignés lillois tiendront leur assemblée générale place Richebay à Lille le vendredi 7 septembre à 19h. Enfin, les assises citoyennes à propos de la dette en métropole lilloise se dérouleront à la Mresse rue Gosselier à Lille le lundi 10 septembre de 18h30 à 20h30. Existe-t-il des solutions à toutes ces situations ? Dans le cadre de leur 10e anniversaire, l'APES ou les acteurs pour une économie solidaire vous invitent à changer d'échelle au regard d'une autre économie avec 2022 dans 10 ans comme horizon. Le philosophe Patrick Vivray interviendra notamment en plénière de fin d'après-midi. Ce sera toute la journée de 9h30 à 20h le vendredi 14 septembre à la gare Saint-Sauveur à Lille. Programme complet et inscription sur apes-npdc.org. Si changer d'échelle ne vous suffit pas, changeons d'air, E-R-E, à l'Union. Tel est le titre du premier forum ouvert en lien avec l'éco-quartier de l'Union à Tourcoing. Car la réalisation de cet éco-quartier est l'occasion de démontrer qu'il est possible de dépasser les crises économiques et écologiques qui nous mènent à la catastrophe. Sur 2 jours, ce forum, parce que ouvert, redonnera la liberté aux participants de fixer eux-mêmes l'ordre du jour, de proposer des thèmes de discussion et d'organiser des ateliers aboutissant à un compte-rendu mis en commun. Le premier jour sera une phase d'émergence pour explorer, le second jour une phase de convergence pour passer à l'action. Les samedis 15 septembre de 9h30 à 18h et dimanche 16 septembre de 10h à 17h à l'Imaginarium Pleine d'Images, situé au 99A boulevard DECA, D-E-S-C-A-T, à Tourcoing, métro ligne 2, station Mercure. Inscription et renseignements sur upc-roubaix.org ou au 03 20 82 23 96. Puis Christine nous invite à manifester contre les gaz de schiste dont elle vient nous expliquer les dangers. Une journée internationale contre la fracturation hydraulique aura lieu le 22 septembre en France. En France, il y aura 2 rendez-vous, l'un dans le sud, l'autre à 14h30 à Tournan-en-Brie, près de Paris, qu'un bus au départ de Lille rejoindra avec arrêt à Lens et à Arras. Inscription en écrivant à stop.gds@laposte.net. Information à propos des gaz de schiste, non gaz de schiste d'un seul tenant.fr et concernant cette journée, stop-métropole-2-schiste77.com. Sinon, n'oublions pas de rendre hommage à Salvador Allende, président chilien mort lors du coup d'État le 11 septembre 1973, mené par la dictature de Pinochet qui transforma le Chili en pays à l'économie ultralibérale. Une commémoration aura lieu le 11 septembre prochain à partir de 18h30 devant l'hôtel de ville de Villeneuve-d'Ascq et des après-midi culturels se dérouleront à la ferme d'en haut, rue Jules Guesde, à Villeneuve-d'Ascq. Pour plus d'informations, surfez sur villeneuve-d'ascq.hommage-allende-2012.html. Comme d'habitude, ce calendrier militant peut être trouvé via attaclille.over-blog.com. À bientôt. Merci, merci. C'est une performance et merci aussi pour cet hommage que rend la commune de Villeneuve-d'Ascq au président Salvador Allende. Un tout petit mot pour finir. J'ai eu le plaisir d'animer une réunion avec trois comités locaux d'attaque ce soir. Et Pierre-Yves, merci à tous. Au revoir.